On commence donc, Inch'Allah, Inna alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه تعالى بهجة القاري بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc c'est un livre qui résume quelques bienfaits et quelques points bénéfiques et quelques leçons par rapport à l'éducation dans le chapitre de Sahih al-Bukhari qui s'intitule Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le fait de se cramponner au Coran et à la Sunnah. Et aujourd'hui, c'est le cours 9 et c'est le hadith numéro 9. Le cheikh il a donc mentionné, et comme je dis, comme j'ai dit dans les cours précédents, yani, l'ordre des hadiths c'est pas le même que celui qui est dans Sahih al-Bukhari, parce que cheikh il a pas fait le commentaire de tous les hadiths dans le chapitre, mais seulement certains hadiths qui ont été choisis. Donc c'est possible que le hadith qu'on est en train d'expliquer maintenant dans le Sahih, ça ne soit pas nécessairement le 9e hadith dans le chapitre. Donc الشيخ الذي قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح نعم. Donc le hadith c'est le hadith rapporté par Abi Huraira, selon Abi Huraira. Le cheikh il a mentionné donc la chaîne de transmission de l'imam al-Bukhari. Donc le hadith dans la chaîne qui est mentionné, celui de qui l'imam al-Bukhari l'a entendu, c'était de Qutayba ibn Sa'id. Et lui qui l'a entendu de l'imam al-Layth. et lui qui l'a entendu de Aqil, et lui qui l'a entendu de Az-Zuhri, et lui qui l'a entendu de Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah, et lui qui l'a entendu de Abi Huraira, radiallahu anhu, qui a dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, et que Abu Bakr radiallahu anhu a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le khilafa, et ceux qui ont renié la foi parmi les Arabes ont renié la foi, alors Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr radiallahu anhu: comment pourrais-tu ou comment veux-tu combattre des gens alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Alors quiconque le dit la ilaha illallah, il est préservé contre moi dans ses biens et dans sa vie, excepté pour un de ses droits, et son jugement incombe à Allah. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a répondu à Omar en disant: par Allah, certes je vais combattre quiconque fait une distinction entre la salat et la zakat, parce que si la zakat est un des droits de l'argent, un des droits des biens. Et par Allah, s'il me refusait une corde qu'il donnait au messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je les combattrais jusqu'à ce qu'il la donne, jusqu'à ce qu'il cesse de refuser de la donner. Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: par Allah, à ce moment-là, j'ai vu que c'est uniquement Allah qui avait ouvert la poitrine d'Abu Bakr pour le combat. Et c'est là que j'ai compris que, c'est là que j'ai su que c'était la vérité. Et Abu Ibn Bakir et Abdullah ont dit, selon Layth, que Inaqan, c'est plus authentique que Iqalan. Le terme Inaqan, il est plus authentique que Iqalan. D'accord, maintenant on va passer à l'explication du Cheikh, Cheikh Rabia Hafizahullah. Le Cheikh, il dit: Qutayba ibn Sa'id, wa huwa ahadul imam, ahadul a'immatul kibar, wa huwa min shuyukh al-Bukhari, wa Layth huwa ibn Sa'd, إمام عظيم كان يضاهي مالكا، بل فضله بعض أهل العلم على مالك، وقيل إن كتبه كانت وقر سفينة وهو يحفظها رحمه الله، وقد خلق الله في هذه الأمة من لا يمر شيئا على سمعه إلا ويحفظه ولا ينساه، ومنهم مثل هذا الرجل، وعقيل بن خالد الليلي، والزهري محمد بن مسلم، وعبيد بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة من أسرة ابن مسعود رضي الله عنه قال فهو من أسرة ابن مسعود رضي الله عنه فهو هذلي عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. Donc, le Cheikh, Cheikh Rabi, hafizahullah, il commence son charh en disant, premièrement, que le hadith dans la chaîne de transmission, il est rapporté par Al-Bukhari, il le rapporte selon Qutayba ibn Sa'id, qui est un parmi les grands imams. Et il fait partie des shuyukh de l'imam Al-Bukhari. Et lui-même, qui l'a entendu de Al-Layth. Et Al-Layth, c'est Ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd, hafizahullah wa rahimahullah. C'est un grand imam qui est comparable à l'imam Malik dans sa science et dans son mérite. Certains parmi les ulama l'ont même préféré à l'imam Malik. Et certains disent que ses livres pouvaient être comparés ou pesés au poids d'un navire. Par rapport à qu'est-ce qu'il avait mémorisé. Et le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans cette umma des hommes qui, lorsque il entendait quoi que ce soit, hein, quoi que ce soit venait à leurs oreilles, ils le mémorisaient et ils ne l'oubliaient plus. Et parmi ceux-là, il y avait cet homme, Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, un des grands imams. Et lui-même qui l'a entendu de Aqil. Aqil, c'est Aqil ibn Khalid al-Ayli, qui l'a lui-même entendu de Az-Zuhri, qui est Muhammad ibn Muslim, qui l'a lui-même entendu de Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba, un des sept grands fuqaha de Médine, qui était de la famille de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il est donc Huzali, Huzali, c'est-à-dire de cette tribu. Et selon Abi Huraira, rapporté selon Abi Huraira, et le cheikh il explique maintenant le contenu du hadith. Il dit: لما حدثت الردة عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين وكانوا أقساما قسم منهم كفروا بالله تبارك وتعالى وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كليا ومنهم من كفر بالله تبارك وتعالى واتبع مسيلمة وقد كان مسيلمة يلتزم الصلاة ولكنها صلاة هو شرعها تخالف الصلاة التي شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء نوع من المرتدين آمنوا بمسيلمة وآمنوا بنبوة الأسود العنسي وطليحة الأسدي والسجاح وغيرهم فكانوا أصنافا منهم قوم تركوا شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة. Donc le cheikh explique que lorsqu'il y a eu l'apostasie, hein, la grande apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'Arabes avaient abandonné l'islam ou ont voulu délaisser l'islam. Et Abu Bakr radiallahu anhu a été déterminé à combattre ces apostats. Et ces apostats ou bien ces gens-là étaient divisés en différents groupes, c'est-à-dire qu'ils étaient en différentes catégories. Et le cheikh explique donc quelles sont ces différentes catégories-là. Premièrement, une des catégories parmi eux qui avait renié complètement la foi en Allah et en ce qui a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam complètement. Un autre groupe d'entre ces groupes-là, c'était le groupe de ceux qui ont renié la foi en Allah et qui ont suivi le faux prophète Musaylama, Al-Kadhab. Et Musaylama, hein, c'était quelqu'un qui établissait une certaine salat, mais c'était une salat que lui-même avait légiférée, qui était contraire à celle que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée par la langue de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait partie de ce groupe-là fait partie des murtaddin, des apostats eux aussi, ceux qui ont cru en Musaylama. De même que ceux qui avaient cru en d'autres faux prophètes de cette catégorie, comme Al-Aswad al-Anasi, et Tulayhat al-Asadi et Sajah, justement, qui avait épousé à l'époque Musaylama. Sauf que Musaylama, lui, il est mort par la suite, et Sajah, elle s'est repentie et elle est revenue à l'islam. Donc, elle est morte musulmane. Et il y en a certains d'entre eux aussi comme ça. Donc, il y avait différentes catégories d'apostats, et parmi eux, il y avait un groupe qui avait délaissé l'application de l'islam, comme des certains principes de l'islam, comme par exemple la salat et la zakat. وَمِنْهُمْ قَوْمٌ بَقَوْا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُؤَدَّى إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ شُبْهَةٌ وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فقالوا هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده أن يأخذ الزكاة لأن الله قد تطهرهم قال تطهرهم وتزكيهم بها وليس هناك أحد يطهرهم ويزكيهم غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc ici le cheikh il explique que il y avait parmi eux un autre groupe qui, eux, n'étaient pas nécessairement des apostats, mais qui étaient parmi ceux qui étaient combattus de façon générale. Et c'était un groupe qui, yani, accepte, continuait d'accepter l'islam, hein, continuait à croire en l'islam. Et yani, la seule chose, par contre, c'est que ces gens-là, ils considéraient que la zakat, c'était quelque chose qui était uniquement remise aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils avaient cette shubha, hein, cette ambiguïté ou cette erreur dans la compréhension, que la zakat, c'était un genre de tribut, hein, qui était rendu aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait, disons, le pouvoir sur eux. Alors à ce moment-là, c'est comme un genre de respect qu'il lui faisait. Puis en même temps, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 103, dans sourate At-Tawbah, hein, il dit, prélève de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. Donc eux, ils se basaient sur ce verset-là pour dire, donc, ça, c'était un verset qui était adressé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que personne après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait prendre donc la zakat, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, par laquelle tu les purifies, hein, tu les purifies, tu les bénis. Donc, eux, ils ont utilisé ça comme excuse. Et ils ont dit, donc personne ne peut nous purifier et nous bénir après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là, le cheikh il dit, فَهَؤُلَاءِ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ جَاءَتْهُمْ الْفِتْنَةُ وَالشُّبْهَةُ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَدَاءَهَا لَكِنَّ رُؤَسَاءَهُمْ مَنَعُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ كَبَنِي يَرْبُوعَ جَمَاعَةً جمعت مالك بن نويرة أخذ منهم الزكاة وقسمها على عشيرتي في عشيرته فشملهم القتال جميعا. Il dit donc, ces gens-là, ils étaient sur l'islam, sauf que ils ont eu une fitna et une shubha, une ambiguïté, une épreuve, une tentation. Et parmi ces groupes-là, il y en avait qui voulaient, parmi ceux qui ont refusé de donner la zakat, il y avait des gens qui eux-mêmes voulaient la donner, sauf que leur chef leur avait interdit de donner la zakat, comme la tribu de Yarbour, hein, le groupe de Malik ibn Nouayra. Et donc, il a pris d'eux la zakat et il l'a distribuée parmi sa famille, parmi ses proches. Et donc, ils ont été compris parmi ceux qui ont été combattus. Donc, tout ce groupe-là, toutes ces catégories-là, ont toutes été combattues ensemble, d'un seul bloc. Et donc, ici, le cheikh, il explique, il dit, « وَقِيلَ إِنَّ مُنَاظَرَةَ عُمَرْ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ فِي هَذَا الصِّنْفِ الْأَخِيرِ وَلَمْ يُجَادِلْهُ فِي الْمُرْتَدِّينَ كُلِّهِمْ فَقَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَاعْتَرَضَ عُمَرْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَكِنْ هُنَاكَ أَحَادِيثَ فِي الْحَقِيقَةِ أَشْمَلُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شملت أشياء أخر بعد شهادة أن لا إله إلا الله ومنها حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونصه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا منعوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله يعني وتكملة الحديث عند أبي هريرة ويؤمن بي وبما جئت به كما ورد من طريق آخر رواه مسلم وغيره، والظاهر والله أعلم أنه كان عند أبي بكر رضي الله عنه بعض الأحاديث. Donc ici le cheikh il explique, donc c'est ça, le cheikh il explique que cette discussion qu'il y a eu entre Abu Bakr et Omar dans le hadith radiyallahu anhuma, c'était uniquement à propos de la dernière catégorie de ceux qui avaient refusé de payer la zakat, et non pas à propos des murtadin en entier, ou de tous ceux qui ont apostasié. Il n'y avait pas de discussion sur ceux-là, mais c'était plutôt sur le dernier groupe, ceux qui refusaient de payer la zakat. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, donc comment peux-tu combattre des gens alors qu'ils ont dit, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Alors quiconque le dit, quiconque dit la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien il sera protégé contre moi dans leur bien et dans leur sang, dans leur vie, excepté pour un de ses droits, et son jugement revient ou incombe à Allah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est donc objecté à Abu Bakr de vouloir combattre ces gens-là par rapport à en citant ce hadith-là, en voulant dire, yani, ce sont des musulmans, ils ont dit la ilaha illallah, donc par conséquent, on n'a pas le droit de les combattre, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Donc si ces gens-là ont dit la ilaha illallah, comment avons-nous le droit de les combattre? Et le cheikh, il explique que il y a d'autres hadiths en réalité qui sont plus complets que cette version du hadith et qui comprennent d'autres choses qui ont été mentionnées après le témoignage de la ilaha illallah qui rentre dans la condition. Donc par exemple le hadith qui est mentionné également selon Abi Huraira et aussi selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma et ainsi que selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dont le texte est le suivant: j'ai été ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Vous voyez qu'il y a un ajout ici dans cette narration que il faut qu'ils, non seulement qu'ils disent la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, mais aussi qu'ils aient établi la salat et donné la zakat, et que s'ils ont fait cela, eh bien ils seront protégés de moi, ils seront protégés contre moi dans leur sein et dans leur bien, excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement incombe à Allah. Donc ce hadith là il vient compléter la narration précédente. C'est une autre narration qui est également rapportée par Al-Bukhari et Muslim aussi, dans lequel il y a d'autres éléments qui sont ajoutés. Et le cheikh, il explique que en plus de ça, il y a dans une autre narration qui est la narration de Muslim, un autre point qui est ajouté encore, c'est-à-dire وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ, c'est-à-dire et qu'il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'ils disent la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, et qu'ils croient en moi et en ce que j'ai amené, ce avec quoi je suis venu. Donc ça c'est encore une autre narration qui rajoute un élément encore plus clair et plus détaillé pour que justement ce droit là le droit de ne pas être combattu soit justement établi. Et il explique ensuite que ce qui est le plus apparent, wallahu a'lam, c'est que Abu Bakr radiyallahu anhu avait justement lui la connaissance de ces différentes narrations là. Et il dit wa qad akhadha al-ulama min hadha أن العالم الكبير قد يفوته شيء من العلم. يكون في ذلك العلم عند من هو أصغر منه. يكون ذلك العلم عند من هو أصغر منه. فهذه التكملة عند هؤلاء الصحابة ما كانت قد بلغت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وإلا فما كانت لتحصل بينهما هذه المناظرة أبدا، وكانت عند من هو أقل منهم سنا وعلما، وهذا يؤخذ منه أن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير. Donc ici il y a un point intéressant que le cheikh il mentionne, il dit que les ulama ont pris de ce hadith là que il est possible qu'un grand savant il est possible que certaines choses de la science échappent à un grand savant et que cette science là soit présente chez celui qui est plus jeune ou plus petit, hein? Et donc cet ajout dans la narration, elle était présente chez certains d'entre les Sahaba, alors qu'elle n'avait pas atteint Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Sinon, il n'y aurait pas eu cette discussion ou ce débat entre les deux, entre Abu Bakr et Omar. Alors que cette narration, cet ajout, elle existait chez d'autres parmi les Sahaba qui étaient plus jeunes et plus petits en science. Et de cela, on peut tirer donc que quelqu'un qui est plus jeune peut avoir plus de science dans certaines choses que yani, que celui qui est plus vieux ou plus âgé. Ou c'est possible que celui qui est plus jeune sache ce que celui qui est plus grand en science et plus grand en âge ne sache pas. Ensuite, le cheikh il dit « ولكن أبا بكر رضي الله عنه يعني تفقه في هذا الحديث وقال والله لا أقاتلن من فرغ بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة يعني حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فلما صمم أبو بكر رضي الله عنه على القتال وساق الدليل قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق فهل هذا تقليد من عمر لأبي بكر أم إنه لما أدلى بحجته وشرح الله صدره عرف أن عنده الحق فلما أقام أبو بكر رضي الله عنه الحجة والبرهان على وجوب قتال هؤلاء عرف عمر أنه الحق لا بالتقليد وإنما بالحجة والبرهان اللذين أتى بهما أبو بكر. Donc le cheikh il explique ici que Abu Bakr lui par contre il avait une compréhension de ce hadith, hein, qui était plus profonde. Hein, et il dit que, justement, il a dit, par Allah, je jure que je vais combattre, hein, celui qui fait une distinction entre la salat et la zakat. Parce que la zakat, c'est le droit dans les biens, dans l'argent. Et il dit, par Allah, s'il me refusait de me donner une corde qu'il donnait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, eh bien, je les combattrai pour l'avoir retenu, hein, pour ne pas l'avoir donné. Et lorsque Abu Bakr a été ferme et déterminé, intransigeant dans le fait de vouloir les combattre, et qu'il a mentionné sa preuve, et que c'est alors que Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit, je jure par Allah que... Hein, j'ai vu à ce moment que Allah avait ouvert la poitrine de Abu Bakr au combat et j'ai su par conséquent que c'était la vérité. Et le cheikh il dit, est-ce que ici Omar radiallahu anhu il a suivi Abu Bakr aveuglément ou bien c'est à cause de l'argument qu'il a ramené et la preuve qu'il a donnée, hein, par laquelle Allah avait ouvert sa poitrine qu'il a connu que la vérité était avec lui? Donc lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a établi la preuve et les arguments au sujet de l'obligation de combattre ces gens-là, eh bien il a su que Omar a su que c'était la vérité, non pas parce qu'il le suivait aveuglément, mais uniquement parce qu'il a compris la preuve que Abu Bakr avait compris et établi, et par conséquent, il a accepté cette preuve de Abu Bakr. Le cheikh, il dit ensuite, « وَالرَّافِضَ يَطْعَنُونَ فِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ قَلَّدَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَإِنَّمَا لَمَّا رَأَى مَعَهُ الدَّلِيلِ اسْتَسْلَمَ لِلْحَقِّ وهذا شأن الصحابة وشأن كل المسلمين الصادقين. قد يرى الواحد رأيا لكن إذا جاءه الدليل ترك رأيه وأخذ بالدليل، ولا سيما عمر رضي الله عنه الذي كان وقافا الذي كان وقافا عند كتاب الله، ولو عرضه أصغر الناس وأبدى الحجة يعني من فقه الحديث أن لا إله إلا الله تعصم قائلها من القتل وتعصم ماله من الأخذ، فلا يغنم ولا يسلب، فلا يغنم ولا يسلب، يعني ثم ينظر في حاله، إن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا وقد يكون منافقا فيعمل بما يستحق. ومن الأدلة على ذلك حديث أسامة رضي الله عنه، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا دليل على أنه إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يهودي ونصراني وثني، فإنها تحميه وتعصمه من القتل، فتعصم الدماء والأموال. والدليل على هذا حديث الباب وغيره من الأدلة، مثل حديث أسامة وحديث المقداد رضي الله عنهما وغيرها. ومن أن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعصم دمه وماله، فإنها كلمة عظيمة جدا وليست بالسهلة. ففي الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن والأراضين السبع جعلنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فإذا قالها عبد عاد فضلها عليه بعصمة دمه وماله. Donc le cheikh il explique que parmi les choses qu'on peut comprendre de ce hadith, il y a un point important. Et le point important, c'est que yani, il explique que ça protège le sang d'une personne, donc sa vie, et que s'il dit donc cette parole de la ilaha illallah, il ne peut pas être tué. De même que si il possède des biens, ces biens-là ne peuvent pas lui être enlevés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être pris ni comme butin ou ni enlevés de façon générale. Et il dit donc, on regarde par la suite à l'état de cette personne-là qui a dit la ilaha illallah. Et si elle est véridique, c'est-à-dire si elle a dit la ilaha illallah de façon sincère, alors alhamdulillah, louange à Allah. Mais si elle n'était pas sincère quand elle l'a dit, comme par exemple si c'est une personne qui est un munafiq, un hypocrite, eh bien, il sera traité de la manière qu'il mérite. Comme cela est établi par les preuves et l'exemple de ça dans le hadith de Usama, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit, on nous a envoyé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a envoyé dans un endroit qu'on appelle Al-Hurqa. Et il a dit, on est arrivé à l'aube et on a rencontré donc les gens et on les a combattus et on les a battus. Il dit, moi et un d'entre les Ansar, on a rejoint un d'entre les Mushrikin. Et au moment où on l'a cerné et qu'on allait l'achever, hein, il a dit la ilaha illallah, c'est-à-dire il a prononcé la parole de la foi, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors l'Ansari qui était avec moi, il s'est abstenu de continuer de le combattre. Et yani, moi par contre, j'ai pris ma lance et je l'ai frappé avec et je l'ai tué. Alors lorsque nous sommes revenus vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé de cela. C'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été informé de ce qui s'était passé. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ya Usama, ô Usama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit « La ilaha illallah » ?» Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il lui a posé cette question à plusieurs reprises dans certaines narrations. Et Usama, lui, il a dit, mais cet homme, il ne voulait dire cette parole que pour se protéger, en voulant dire, je doute qu'il ait été sincère quand il l'a prononcé, il voulait juste se protéger pour protéger son sang et sa vie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a continué de le répéter. Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Il a dit, il l'a tellement répété deux fois que j'ai souhaité que je ne m'étais pas converti excepté après ce jour. En voulant dire que j'aurais voulu que j'aurais ne pas avoir commis cette erreur-là dans l'islam. Et c'est-à-dire j'aurais aimé ne pas avoir été converti à l'islam avant ce jour. Tellement j'ai compris que l'erreur que j'avais commise était une erreur grave. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça, c'est dans ce hadith, il y a la preuve que le kafir, lorsqu'il dit « Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'il soit juif ou chrétien ou idolâtre. Dans tous les cas, yani, son sang et ses biens sont protégés. » Sa vie est protégée, il ne peut pas être tué. Hein? Donc sa vie est protégée et ses biens sont protégés aussi. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith qu'on a mentionné, dans le chapitre qu'on est en train d'expliquer. Et le hadith qu'on est en train d'expliquer maintenant, qui est le hadith de Usama. Et le hadith aussi de Al-Miqdad. Il y a un autre hadith qui est semblable, qui est rapporté selon Al-Miqdad, radiyallahu anhuma. Et d'autres également, il y en a plusieurs en fait qui établissent ce principe-là parmi les principes de l'islam, que quiconque dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », son sang et ses biens sont préservés et protégés parce que c'est une parole extrêmement importante, extrêmement grande en valeur et en signification et donc elle ne peut pas être prise à la légère. Et il y a également dans le hadith, la mention d'un autre point, selon la narration de An-Nasa'i dans As-Sunan al-Kubra, rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit que si on avait pris les sept cieux et tout ce qui habite dedans, et les sept terres, et qu'on les mettait sur un des deux plateaux de la balance et qu'on mettait la ilaha illallah sur l'autre côté, sur l'autre plateau de la balance, eh bien la ilaha illallah aurait été plus lourd que les sept cieux et les sept terres. C'est-à-dire, rien n'est que la création. Et donc, il dit ici, le cher, que si quelqu'un donc dit cette parole, un serviteur quelconque dit cette parole, eh bien, son mérite revient sur lui en le protégeant dans son sang et dans ses biens. Ensuite, le cheikh il dit, ثم إن أدى حقوق لا إله إلا الله من الصلاة والزكاة والصوم والحج وما شاكل ذلك فهو من أهل الإسلام وإن قالها وترك حقها فلا يصلي ولا يزكي ولا يعمل فهذا دليل على كذبه وقد يصلي ويزكي ولكن يعرف من قرائن الأحوال ومن تصرفاته ومواقفه أنه منافق كما هو حال المنافقين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نشهد إنك لرسول الله فقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ومع هذا عصمت دماؤهم وأموالهم لأنهم كانوا يؤدون شعائر الإسلام ظاهرا وكانوا يصلون ويحجون ويجاهدون وهم منافقون مسلمون ظاهرا وكافرون باطنا وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله فيعملون على ظاهر حالهم وتوكل سرائرهم إلى الله فإذا صلوا وأدوا حقوق الإسلام الظاهرة ولو كانوا منافقين وعرفنا ذلك فإنه لا يجوز التصرف في دمائهم ولا أموالهم بل يعاملون بما ظهر منهم وتوكل سرائرهم إلى الله ويتزوجون مع المسلمين ويتوارثون معهم كما عامل الصحابة المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار ولهم علامات تدل على أنهم منافقون مع ذلك ومع ذلك عصمتهم لا إله إلا الله ما داموا ملتزمين شعائر الإسلام التي هي من حقوق لا إله إلا الله وهم شر من اليهود والنصارى ومع ذلك تستروا بالإسلام ظاهرا وكفروا به باطنا فاستفادوا من هذا في الدنيا بأن تعصم دماؤهم وأموالهم وفي الآخرة Donc ici, le cheikh, il explique un autre point. Il dit que, ensuite, si par exemple, ces gens-là qui ont prononcé « La ilaha illallah », ils remplissent les droits de « La ilaha illallah » parmi les droits de « La ilaha illallah » qui sont la salat et la zakat et le jeûne et le hajj et les choses de ce genre, eh bien, à ce moment-là, ces gens-là vont faire partie de des gens de l'islam, hein, des pratiquants de l'islam, et il dit que s'ils disent « La ilaha illallah », mais qu'ils délaissent les droits de « La ilaha illallah », comme par exemple si un d'entre eux ne fait pas la salat, ou ne donne pas la zakat, il ne fait pas les œuvres, eh bien ça c'est la preuve de son mensonge. Donc c'est possible qu'il fasse la salat et qu'il donne la zakat. Hein? Mais qu'on sache par des indices autres par rapport à son état et à ses comportements ou à son attitude et à ses positions que c'est un hypocrite malgré tout, même s'il fait la salat, même s'il jeûne. Et ça, c'est l'état dans lequel se trouvaient beaucoup d'entre les munafiqines à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puisque à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les munafiqines, il disait, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il répond dans le verset 1 dans Surat al-Munafiqun, hein, et Allah certes sait que tu es son messager. Et Allah témoigne que les munafiqins sont des menteurs. Et donc, malgré ça, leur sang et leur bien étaient protégés. Pourquoi? Parce que yani, ils ont prononcé cette parole. Donc, il dit, ils étaient en apparence des musulmans. C'est-à-dire qu'ils appliquaient les principes, les obligations de l'islam. Ils faisaient la salat, ils faisaient le hajj, ils faisaient le jihad. Hein, ils combattaient avec les musulmans alors que c'était des hypocrites. Hein, et donc en apparence c'était des musulmans, mais à l'intérieur d'eux-mêmes ils étaient des mécréants parce qu'ils ne croyaient pas en l'islam. Et donc ça c'est tiré de, on peut comprendre ça de la parole du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, yani que il dit wa hisabuhum ala Allah, c'est-à-dire leur jugement incombe à Allah, c'est-à-dire s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'ils font la salat et qu'ils donnent la zakat, hein, ils sont protégés dans leur bien et dans leur sein, mais leur jugement incombe à Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lui, même si nous on agit avec eux selon qu'est-ce qui est apparent, on laisse leur intérieur à Allah. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui va s'en charger de savoir la réalité de ce qu'ils avaient dans le cœur. S'ils ont fait la salat, ils ont rempli les droits de l'islam, qui sont les droits apparents de l'islam. Donc, s'ils étaient des hypocrites, et qu'on le sache, hein, qu'on savait cela, hein, on n'a pas le droit d'agir avec eux, et aller dans leur bien, ou dans leur sein, excepté selon ce qui est apparent. Hein? On agit uniquement avec eux selon leur apparence ou ce qu'ils laissent paraître de leur réalité. Même si on sait qu'au fond, ils sont des hypocrites, on n'a pas le droit d'agir selon cette connaissance-là. Il faut se baser sur ce qui est apparent, de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Et en ce qui concerne leur intérieur, on remet cela à Allah. Donc, c'était la façon dont les sahabas ont agi avec les munafiqins. Ils se mariaient avec les musulmans et ils héritaient, hein, les uns des autres, c'est-à-dire ils héritaient avec les musulmans. Et les sahabas savaient que certains d'entre eux étaient des munafiqins, hein, donc ils agissaient avec eux comme l'islam leur donne, selon leur apparence. Donc ils sont dans cette vie considérés comme des musulmans, donc on agit avec eux comme des musulmans, mais dans l'au-delà, ils seront dans le plus bas niveau de l'enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les hypocrites seront dans les niveaux les plus bas de l'enfer. Et ils avaient des signes qui indiquaient qu'ils étaient des hypocrites, et malgré tout Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur sang et leur vie par la parole de la ilaha illallah tant qu'ils appliquaient et restaient continuaient à appliquer les principes et les obligations de l'islam, et qu'ils continuaient à respecter les droits de la ilaha illallah, hein, il continuait à respecter cet aspect-là de l'islam, c'est-à-dire il respectait leur bien et leur vie. Il respectait leur sang et leur vie et leur bien. Et on sait très bien que ces hypocrites-là étaient pires que les juifs et les chrétiens, puisque c'est des koufars. Et c'est des koufars à l'intérieur, même si à l'extérieur, ils montrent l'islam. Donc, pourquoi ils sont pires que, ou plus mauvais que les juifs et les chrétiens? Parce que les juifs et les chrétiens, on sait que ce sont des koufars. Tandis que, eux, ils se font passer pour des musulmans, alors qu'ils ne croient pas en l'islam. Donc, ils se cachent, ils utilisent l'islam comme un moyen de se camoufler, en apparence. Alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Donc, ça leur a quand même profité dans cette dunya, dans le fait que leur bien et leur sang ont été protégés, mais dans l'au-delà, ils seront dans le niveau le plus bas de l'enfer. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh, il explique ensuite d'autres points par rapport à la compréhension du hadith. Mais nous, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis on continuera au prochain cours la suite de ce hadith-là, parce que l'explication de ce hadith, elle comprend tellement beaucoup de leçons qu'il faut s'y attarder un peu plus encore pour être capable d'en profiter au maximum et de tirer toutes les différentes leçons qu'on peut tirer de ce hadith-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on va reprendre dans quelques instants avec l'explication de Riyad al-Salihin de Cheikh Ibn Uthaymin. Je vais juste prendre quelques instants pour prendre une petite pause, puis on reprend dans à peu près 5 minutes, Inch'Allah. Subhanakallahum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.